complète des débats mélancoliques et littéraires. Le long d'un ciel crépusculâtre, une cloche angélise en paix l'air exilisant et marâtre qui ne pardonnera jamais. Paissant des débris de vaisselle, là-bas, au talus des remparts, se profile une haridelle convalescente. Il se fait tard. Qui m'aima jamais? Je m'entête sur ce refrain bien impuissant, sans songer que je suis bien bête de me faire du mauvais sang. Je possède un propre physique, un cœur d'enfant bien élevé, et pour un cerveau magnifique, le mien n'est pas mal, vous savez. Eh bien, ayant pleuré l'histoire, j'ai voulu vivre un brin heureux. C'était trop demandé, faut croire. J'avais l'air de parler hébreu. Ah, tiens, mon cœur, de grâce, laisse. Lorsque j'y songe en vérité, j'en ai des sueurs de faiblesse, à choir dans la malpropreté. Le cœur me piaffe de génie, éperdument pourtant, mon Dieu. Et si quelqu'une veut ma vie, moi, je ne demande pas mieux. Eh, va, pauvre âme véhémente, plonge, être, en leur jourdain blasé, de frictions de vie courante, t'auront bien vite exorcisé. Hélas, qui peut m'en répondre? Tenez, peut-être savez-vous ce que c'est qu'une âme hypocondre? J'en suis une, dans les prix doux. Ô Hélène, gère en ma chambre, et tandis que tu prends le thé, là-bas, dans l'or d'un fier septembre, je frissonne de tous mes membres en m'inquiétant de ta santé. Tandis que, de notre côté,